Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, 1917-1918, la fin des Romanov. L'histoire que je vais raconter ce soir commence en mars 1917 en Russie, à Tsarskoye Selo, à 25 km de Petrograd. C'est dans le somptueux palais Alexandre, au milieu d'un immense parc, que vivent le tsar Nicolas II, la tsarine Alexandra Fedorovna, leurs 5 enfants et leur cohorte de domestiques. Loin de la rumeur de la ville et loin du front. Même si le tsar, à contre-cœur, a pris la tête de l'armée russe dans la guerre meurtrière qui l'oppose à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. Cette famille unie aspire à la tranquillité. Quoi de plus banal en apparence? Mais en mars 1917, les Romanov sont rattrapés par une réalité qu'ils n'ont pas vue venir. En 2 semaines, la révolte populaire née à Petrograd, que le tsar a cru anéantir en faisant tirer sur la foule, est devenue une révolution. Le 2 mars, Nicolas II abdique, mettant fin à 300 ans de règne des Romanov. Mais la tranquillité à laquelle ils aspiraient, lui et sa famille, ils n'y auront pas droit. Ils seront assassinés l'année suivante, le 17 juillet 1918. C'est cette histoire tragique que je vais raconter ce soir, à travers le regard de Pierre Gilliard, celui qui fut le précepteur des enfants Romanov et le témoin de la fin d'un monde. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Alexandre Soumpf, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de la Russie, l'auteur de nombreux livres sur la Russie, et notamment tout récemment, 1917, La Russie et les Russes en révolution, publié chez Perrin. Alors ce n'est pas du peuple russe, mais de Russes un peu particuliers que nous allons parler ce soir, et pas des moindres malgré tout. Votre livre, Alexandre Soumpf, vous l'avez pensé et écrit, vous le dites, à partir de films que vous avez découverts, tournés à Petrograd pendant les révolutions de 1917. Des films qui montrent le peuple en marche. Alors quand on parle des Romanov, on a des images un peu différentes qui nous viennent en tête, des films sautillants de cérémonies officielles, mais aussi des photos intimes, donc cette famille avec les 4 filles, Maria, Olga, Tatiana, Anastasia, leur fils Alexis, atteint d'hémophilie. Des photos qui montrent une famille unie, beaucoup de douceur, ils sont beaux, élégants. Est-ce qu'on peut dire, Alexandre Soumpf, que ces images montrent 2 mondes qui vivaient totalement à part? Oui, ces images ont une part, comme vous le dites très bien, une part officielle et une part intime. Et ce qui est assez exceptionnel quand on les regarde aujourd'hui, c'est qu'on a ces 2 aspects en même temps, on peut les rassembler dans un même visionnage, alors qu'à l'époque, les images intimes du tsar, qui auraient pu éventuellement le rendre plus humain, moins divin, moins autocrate aux yeux du peuple, eh bien sont restées dans la sphère intime, que ce soit ces photos, ou que ce soit les magnifiques films tournés notamment sur leur yacht, des princesses impériales qui dansent, qui jouent sinon dans le jardin de Tsarskoye Selo à des batailles de boules de neige, comme justement de simples Russes. Vous avez dit qu'ils ne sont pas de simples Russes, et en même temps ils le sont. Ils ont aussi une vie quotidienne, une vie relativement recluse dans ce palais, et une vie que peu de Russes imaginent, au-delà justement de la pompe officielle, une pompe, et on le voit très bien dans les films, qui gêne en fait profondément le tsar et la tsarine et qui les place toujours un petit peu incongrues en marge de ce peuple qui leur rend les honneurs. Alors, l'histoire que je vais raconter commence juste après l'abdication de Nicolas II, le 2 mars 1917. Alors, comment expliquer que cette dynastie, quand même vieille de 300 ans, ait pu s'effondrer comme ça en quelques jours? Eh bien, il y a évidemment tout un faisceau de facteurs. Le facteur le plus long, c'est l'usure de cette dynastie et du principe autocratique qui a été inventé au début du 19e siècle par le tsar Nicolas Ier, une autocratie qui est plus ou moins bien incarnée selon les tsars et que le dernier des Romanov, Nicolas, a eu bien du mal à reconfigurer dans un moment où la société prend son essor, l'opinion publique, et où il y a des attentes plus fortes vis-à-vis d'un monarque que celles qui étaient celles de la population en 1825. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, évidemment, c'est un contexte un peu plus immédiat, qui est celui de la guerre mondiale, d'une guerre qui use les nations belligérantes et use en particulier une puissance qui se pensait un peu trop puissante et qui était en fait très fragile, qui est cette puissance russe, et qui débouche au tout début de 1917 sur une très grave crise d'approvisionnement alimentaire qui conduit au rationnement, et puis approvisionnement en matières premières, qui conduit au chômage technique de très nombreux ouvriers de Petrograd, une ville à la fois centre du pouvoir symbolique, du pouvoir impérial, et en même temps, cœur battant de l'industrie nationale et de l'effort de guerre. Il faut préciser qu'on dit Petrograd parce que c'est la guerre et que Saint-Pétersbourg, c'est un nom qui sonne trop allemand et du coup, on a changé le nom pour Petrograd. Même si Pierre le Grand, en 1703, l'a fondé d'après un vocable hollandais, mais peu importe, oui. C'est son grand modèle. Ça sonnait effectivement trop allemand et donc Petrograd, c'est l'actuel Saint-Pétersbourg et la future Leningrad à partir de 1924. Donc le peuple aspire aussi à plus de démocratie souffre d'inégalités sociales. Oui, l'autocratie, ça voulait dire d'abord une très forte inégalité entre les différentes catégories de sujets, les paysans et les nationalités non russes étant tout en bas d'une échelle sociale qui s'incarnait notamment dans des droits de vote séparés et limités. Il y a aussi les revendications traditionnelles du milieu ouvrier qu'on peut retrouver en France ou en Allemagne à l'époque, la journée de 8 heures, de meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail, une participation des ouvriers à la gestion de l'entreprise qui sera un leitmotiv très fort tout au long de 1917. Et puis les paysans depuis la fin du servage en 1861, eh bien, ils sont mécontents de la manière dont les terres ont été réparties. Ils considèrent qu'il y a encore trop de grands propriétaires, trop d'aristocrates, trop de monastères, trop de paysans individuels à qui on a donné toutes les facilités et que finalement, personne n'arrive à vivre de son travail sur la terre, ce qui est le simple et juste désir de n'importe quel paysan. Alexandre Soumpf, merci. Nous allons voir comment la famille impériale va être ballottée au gré des révolutions 1917 et finalement conduite à Ekaterinbourg où elle trouvera la mort en juillet 1918. Nous poursuivrons donc ces discussions tout à l'heure, dans une trentaine de minutes. Tout de suite, 1917-1918, la fin des Romanov, un texte de Renaud Meyer, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire sur France Inter. Réalisation, Baptiste Guiton. Qu'allons-nous devenir ? Les événements ont marché sur nous avec une telle rapidité. Sa Majesté est épuisée par l'angoisse, et cette nouvelle de l'abdication l'a presque achevée. Et nous sommes ici, dans ce palais, qui est devenu une prison. Et pourtant, comme c'est beau. Le parc est couvert de neige, il est magnifique. Et avec ce soleil, la lumière est éclatante. Je croise les doigts. Cette photographie des grandes duchesses sera la plus belle de cet hiver. À 20 ans, elles jouent comme si elles en avaient 10. Il y a une telle joie chez elles, une telle insouciance. Pour combien de temps encore ? Qu'est-ce que vous photographiez, Pierre ? Olga et Tatiana. Elles ont mis leur épagneul dans le petit traîneau. Elles le font tirer par l'âne d'Alexis. Elles sortent à peine de leur otite. Ça n'est pas raisonnable. Qu'est-ce que c'est ? Des soldats qui courent en direction du palais. Venez voir votre majesté. Ils sont moins de 100. Mon Dieu. Leurs fusils sont braqués sur nous. Ils se sont précipités devant les grilles du palais. Je ne les ai pas vus venir. Où sont Olga et Tatiana ? Elles ont dû rentrer. Et Nicolas qui n'est toujours pas là. Maman, qui sont ces soldats ? Je ne sais pas. L'état-major, ils ont téléphoné. Les révolutionnaires ont pris les chemins de fer de Petrograd. La garnison de Tsarskoye s'est mutinée. On tire dans les rues. Les rebelles avancent vers le palais. Ils sont déjà là, devant les grilles. Ils ont tué un factionnaire à 500 mètres du palais. Je vais leur parler. Il faut parlementer. C'est de la folie, votre majesté. Ils vont vous tirer dessus. Si on ne calme pas ces soldats, ils vont enfoncer les grilles et tous nous massacrer. De toute façon, il y a nos hommes sur 4 rangs prêts à tirer. Restez près d'Alexis. Viens, Maria. 8 mars 1917, au palais de Tsarskoye Selo. C'est dans cette résidence d'été, près de Petrograd, que s'est réfugiée la famille de Nicolas II. Pierre Gilliard est aux côtés de la tsarine Alexandra. À 37 ans, ce Suisse est le précepteur des grandes duchesses Olga et Tatiana, de leurs petites sœurs Maria et Anastasia, ainsi que du tsarévitch Alexis. Il compte parmi les intimes de la famille impériale. La Russie est en ébullition. La révolution de février 1917 a donné naissance à un double pouvoir. D'un côté, le gouvernement provisoire à tendance libérale, partisan de la poursuite de la guerre. De l'autre, le soviet de Petrograd, sorte de comité représentatif des ouvriers et soldats qui veut aller plus loin dans la révolution et mettre fin à la guerre. La population a faim. Les grèves et les mutineries se multiplient. Le tsar Nicolas II, qui n'a jamais été aussi impopulaire, a été poussé il y a quelques jours à abdiquer. À Tsarskoïe Selo, alors que les soldats insurgés et la foule menacent d'enfoncer les grilles, la tsarine a confié à Pierre Gilliard la tâche difficile d'annoncer au tsarévitch la nouvelle de l'abdication de son père. Le précepteur, homme cultivé, ne peut s'empêcher de penser à la Révolution française. Les Romanov subiront-ils le même sort que Louis XVI et sa famille ? Alexis Nikolaïevitch, tout va bien ? Vous avez dormi ? Oui, ma mère. Elle va revenir. Les soldats sont partis ? Votre mère a réussi à les calmer. Mon père est arrivé ? Oh, il ne devrait pas tarder. Il a quitté son quartier général. Il ne retournera plus, il va rester auprès de vous maintenant. Pourquoi ? Parce que votre papa ne veut plus être commandant en chef. Pourquoi ? Je n'irai plus au quartier général, moi non plus ? J'adore aller à Moguilev avec vous et papa. Alexis, votre père ne veut plus être empereur. C'est impossible. Maman m'a dit qu'on avait arrêté son train. Mais après, il redeviendra empereur. Il a abdiqué en faveur de son frère, le grand-duc Michel. Mais celui-ci n'a pas accepté. Mais alors qui sera empereur ? Moi ? Avec votre maladie, ça ne semble pas une bonne idée. Il n'y aura plus d'empereur. Qui va diriger la Russie ? Il croit son père si fort, invincible. Pauvre garçon, tout ça le dépasse. La tsarine est responsable. Elle est orgueilleuse. Elle s'accroche au pouvoir et pousse le tsar à ne rien céder. Dès que l'empereur sera là, il faudra quitter le palais. Avant qu'il ne soit trop tard. Papa ! Ah, mes enfants. Papa ! Comme c'est bon de vous retrouver. Anastasia, Anastasia, notre sunshine. Et ma petite Maria, Olga, toujours aussi belle, hein. Et ma Tatiana, mon petit Alexis chéri, venez, venez, venez contre moi. Dieu en soit témoin, il nous reste ça, l'amour des uns pour les autres. Oh, Alexandra, viens, viens dans mes bras, viens toi aussi, tous ces jours sont vous. Bonjour Pierre, bonjour. Ne pleure pas, papa. Ah, mais, C'est le bonheur de vous retrouver. Comment vont mes filles, hein, votre rougeole ? Tout va bien. Fini aussi cette otite qui me torturait les oreilles. Il n'y a que Maria Nikolaïevna qui n'est pas encore guérie de sa pneumonie. Oh, ma petite Kaline. Ma petite Kaline. Comment as-tu attrapé ça ? Je suis sortie pour aider maman dans la cour avec la neige et le froid. C'était la révolte jusque devant les grilles du palais. Ils hurlaient, ils étaient sous. Vous avez été courageux, tous. Oui. Pourquoi tu veux plus être empereur, papa ? Je vais pouvoir enfin cultiver la terre, fendre du bois, et puis reprendre mes rôles dans notre petit théâtre. Ça me manquait, moi, la biche, Tchekhov, Molière. N'était-il pas question du bourgeois gentilhomme, Pierre ? Ma mise en scène est prête. Oh, oui, j'adore. Les textes de théâtre, ça, je veux bien les apprendre. On pourra aussi se promener et aller en ville ? Non. Non, on ne le peut plus. On ne peut plus ? Oui, nous sommes prisonniers. Mais pourquoi ? On ne peut pas enfermer le tsar. C'est le gouvernement provisoire qui décide désormais. Je suis désolé. Mais c'est injuste, horrible. On ne peut plus sortir. C'est dans le jardin. Le malheur s'est abattu sur ce palais et la Russie tout entière. Les enfants, nous avons à parler. Olga, prends ton frère avec vous. Laissez-nous, à tout à l'heure. Tu n'aurais pas dû abdiquer. Il le fallait. Alexis aurait dû te succéder, je ne comprends pas. Si j'avais été là, les choses ne se seraient pas passées ainsi. Tu n'aurais pas cédé. En Russie, on n'a pas de caractère, on a peur des responsabilités. Pour le Mojik ignorant, le tsar seul représente la grandeur, l'unité, la gloire de la Russie. Le tsar doit gouverner l'État d'une main de fer parce qu'il tient son pouvoir de Dieu. Je me moque du trône, je me moque des humiliations. Si ce gouvernement peut sauver la Russie. Depuis que Rasputin nous a quittés, tous les malheurs s'abattent sur nous. C'est moi qui suis coupable. Coupable de tout. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Nous sommes en état d'arrestation. À la disposition du gouvernement provisoire. Interdiction de sortir d'ici. Il en sera de même pour toute personne n'ayant pas quitté ce palais avant 16 heures. Il faut fuir à l'étranger. En Angleterre. Ils vont nous accueillir. George V est ton cousin Germain et je suis la petite fille de Victoria. Oui, le roi est prêt à nous accorder le droit d'asile, mais Lloyd George traîne les pieds. Il craint que notre venue ne crée des troubles, des manifestations dans son pays. L'Angleterre est notre allié. Oui, la France aussi est notre allié. Mais le gouvernement de Poincaré nous tourne le dos, lui aussi. On s'est engagé dans cette guerre à leur côté. Poincaré était tout sourire quand nous l'avons reçu. Vous vous en souvenez, Pierre? C'était en 1914. Il avait besoin de la Russie. Et la Norvège? Ils auraient peur de se compromettre. Rasputin avait prédit la révolution, juste avant sa mort. Je ne peux pas croire que tout soit perdu, c'est impossible. Il va falloir se résigner à rester au palais en attendant que les choses s'arrangent. Pierre, si vous voulez nous quitter, je le comprendrai. Les grilles sont cadenassées, le téléphone est coupé, les gardes partout dans le parc, impossible de fuir. Si je dois quitter ce palais, c'est maintenant. À 16 heures, il sera trop tard. Que faire ? Cette histoire n'est pas la mienne. Je suis suisse. Mais je ne peux pas les quitter. Ils ne le comprendraient pas. Ils ne le supporteraient pas. J'ai partagé les bons moments avec eux. Comment ne pas partager leur malheur ? Je reste, Votre Majesté. La captivité des Romanov s'organise à Tsarskoïe Selo. Nicolas II crée un potager, joue aux cartes et subit les humiliations des gardes comme le reste de sa famille. Au dehors, la guerre continue d'alimenter tous les débats et provoque la chute du gouvernement provisoire. Le 28 mars 1917, Lénine quitte Zurich, où il est en exil depuis 17 ans, et rentre en Russie dans un wagon plombé. Le lendemain de son arrivée, il expose aux bolcheviks ses fameuses thèses d'avril, qui marquent son hostilité à la République parlementaire et réclame tout le pouvoir aux soviets. Les tensions n'ont jamais été aussi vives. Un gouvernement à majorité socialiste voit le jour. Alexandre Kerensky en devient le ministre de la guerre. Mais ce gouvernement, qui intensifie les offensives face à l'Allemagne, est discrédité aux yeux de sa base populaire. Nul ne sait combien de temps Kerensky, socialiste modéré, pourra tenir face à la colère du peuple et la montée des bolcheviks. Dans le parc de Tsarskoïe Selo, la famille impériale travaille dans le potager sous la surveillance des gardes. Ah, je suis épuisée. Le dos courbé toute la journée à remuer la terre. Quelle fatigue. Moi, j'adore ça. Mes muscles se sculptent à force de cultiver ce potager. J'étais fait pour ça, au fond. Les travaux des champs, le grand air. Moi aussi, papa. Tu es notre courageuse, Maria. Pas comme Anastasia. Elle préfère prendre le soleil. Où est-elle? Près du pont, avec Alexis Nikolaïevitch. Pourquoi Alexis reste assis avec Anastasia? D'habitude, il court partout avec le fils de Derevenko et aujourd'hui, il reste prostré, sa jambe lui fait mal. Derevenko a demandé à son fils de ne plus jouer avec Alexis Nikolaïevitch. Et maintenant, son fils traite son camarade de traître à la Russie, refuse de lui serrer la main. Il a même renversé ses soldats de plomb en disant qu'ils étaient une représentation de l'ordre ancien. Et pourquoi Derevenko est-il devenu si méchant? Les soldats, ce sont eux les responsables. Ils nous observent, nos épis. On ne peut pas faire un geste, toujours derrière notre dos. Ils entrent toujours quand les grandes font leur toilette. Ils fouillent dans nos affaires, ils rotent, ils crachent. J'en ai même vu uriner derrière les rideaux. Derevenko en a peur, lui aussi. Il craint les représailles. Le destin des Romanov ne tient désormais qu'à un fil, ou plutôt à un homme, Alexandre Kerensky. Ce jeune avocat de 37 ans est le nouvel homme fort du gouvernement provisoire. Son allure, col à mi-donné, chemise blanche, costume impeccable, cheveux en brosse, est celle d'un intellectuel bourgeois, et ses discours, modérés, ne sont pas du goût de tous les révolutionnaires. Kerensky rend souvent visite à ses prisonniers de Tsarskoïe Selo au cours du printemps 1917. Citoyen Romanov, vos filles sont décidément charmantes. La reine d'Angleterre fait demander des nouvelles de l'ex-impératrice. L'ex-impératrice va bien, merci. Mais je souffre toujours un peu du cœur. Je lui dirai. J'ai fait le tour du palais, j'ai contrôlé vos chambres. Je vais rapporter à Petrograd que tout va bien. Sachez que personnellement, je n'ai rien contre votre famille. Je n'en doute pas. J'ai insisté pour que l'on ne vous conduise pas en forteresse. Et j'ai fait abolir la peine de mort. Je l'ai fait, bien que beaucoup de mes camarades aient péri victimes de leurs convictions. Nous voilà rassurés. À partir d'aujourd'hui, votre courrier sera ouvert et l'ex-impératrice ne pourra plus vivre avec l'ancien tsar. Comment ? Vous pourrez vous voir au repas et pour le thé, en présence d'un officier. C'est valable pour vous aussi, monsieur Gilliard. Entendu. Et à condition que tout le monde parle russe. Interdiction de parler français ou anglais. On ne parlera plus français ? Dans votre charmante petite tête, si vous voulez. En attendant votre départ. Notre départ ? Je ne sais pas encore quand, ni où, ni comment. Mais il faut bien que vous compreniez la situation. Les bolcheviks sont après moi. Bientôt, ils seront après vous. Kerensky a en tête d'envoyer la famille Romanov en Sibérie, à Tobolsk. Cette petite ville, située au milieu des bouleaux, ne possède aucune voie ferrée. Les Romanov y seront en sûreté et dans l'incapacité de s'échapper. Kerensky espère ainsi calmer la foule, ainsi que ses adversaires politiques. Le départ est prévu le 1er août 1917. Levés au milieu de la nuit, les Romanov et leurs domestiques patientent pendant des heures dans la grande cour de Tsarskoye Selo, entourés de leurs bagages, sous le regard de 300 hommes en armes. Ils savent qu'ils doivent partir, mais pour quelle destination, ils l'ignorent. Cette nuit sonne peut-être le glas d'une époque révolue, celle de la Russie tsariste. Vous en êtes certain ? C'est au moins 1500 kilomètres. C'est le colonel Kobylinski qui me l'a dit, sous le sceau du secret. Tobolsk ? Voilà pourquoi on nous a demandé de prendre des vêtements chauds. Ils ont voulu garder le secret jusqu'au dernier moment. Certainement pour éviter que la population l'apprenne. Quelle fatigue. On nous avait dit d'être prêts à minuit. Quelle heure est-il ? 4h30. Il y a des complications avec les cheminots de Petrograd. Ils ont appris que le train était destiné à notre famille. Tu crois que nous partirons un jour ? Tout ça me fait peur. Kerensky va prendre des mesures contre les bolcheviks, ce qui va certainement provoquer des troubles. Alors il préfère nous mettre en sécurité. Ça fait pourtant des heures que nous attendons dans cette cour. C'est la preuve de l'impuissance de ce gouvernement, incapable de faire arriver un train. Les enfants, vous avez dit adieu au potager ? J'y ai planté les graines qui me restaient. Quand nous reviendrons, j'irai voir la tête de mes légumes. Je serai tout fripé comme toi. Anastasia, s'il te plaît. Alexis Nikolaïevitch, tu es allé une dernière fois à l'île des enfants avec tes sœurs ? Je lui ai fait un salut militaire. Moi, j'ai pleuré. Tsarskoye, c'est toute ma vie. Tsarskoye, on s'embête à force. Je préfère voyager la nuit. Destination inconnue. Mystère. On va à Tobolsk en Sibérie. Voilà, tu es toujours content ? On fera des montagnes de glace. Si on y arrive, on va mourir de froid et d'ennui, oui, là-bas. Ici, on a notre chambre avec Maria, notre salon. Et ça ne te fait rien d'abandonner la salle de jeu ? Tes avions, ton chien à roulettes, le canon, le train électrique et les pirogues avec le tipi. Je ne sais pas comment tu fais. Contrairement à l'empereur, je n'ai pas confiance en ce Kerensky. Il maîtrise beaucoup moins bien les choses qu'il ne le dit. Je commence à douter qu'on parte pour de bon. Tout le monde est épuisé. Le docteur Botkin dort à moitié. Il s'est presque effondré contre le général Tatishchev. Ce lever de soleil sur le palais, c'est magnifique. Une dernière photographie des filles avec le palais en toile de fond. Elles sont tellement radieuses. Enfin. Je n'y croyais plus. Ah, les enfants, il faut dire au revoir aux domestiques qui ne viennent pas avec nous. Dites au revoir. Le 1er août 1917, à 5h du matin, la famille Romanov et les 30 personnes qui l'accompagnent quitte le palais de Tsarskoye Selo, escorté par un régiment de cavalerie jusqu'à la gare ferroviaire. Deux trains les attendent. Les stores sont baissés et aucun emblème impérial n'apparaît sur les voitures. Le périple qui doit les mener en Sibérie se fait sous le signe de la discrétion. Dans le premier train, Nicolas II occupe un compartiment et son épouse un autre. Les enfants sont regroupés dans un troisième, le restant des wagons étant destiné à la suite de la famille impériale. Dans le deuxième train, une escorte de plus de 300 soldats. Votre mère n'est pas avec vous, Anastasia Nikolaïevna ? Elle veut rester dans sa cabine. Ça n'est bon ni pour le moral, ni pour la forme. Elle devrait venir avec nous, se dégourdir les jambes, respirer l'air de la campagne. Elle est prostrée. Ne cesse de répéter que la Sibérie est un cauchemar. Elle a les larmes aux yeux et parle toujours de Rasputin. La disparition du Starets l'a beaucoup affectée. Je n'ai jamais aimé Rasputin. Ma mère buvait ses paroles et croyait tout ce qu'il prédisait. Alexis n'a pas échappé à la mort grâce au Starets, mais parce qu'il était plus fort que la maladie. C'est bien, vous raisonnez avec un esprit critique. Je suis fier de vous, Anastasia Nikolaïevna. Ah, le train ralentit, c'est l'heure de notre petite promenade. Pourquoi s'arrête-t-on au milieu des champs? Pour éviter tout contact avec la population. Vous ne venez pas? Allez-y d'abord sans moi, vous trouverez bien de la compagnie. Pourquoi dites-vous cela? Parce que je vous ai vu hier discuter avec ce jeune garde durant la promenade, et ensuite dans les couloirs. Oh, c'est juste... De votre âge, une jeune fille de 16 ans radieuse et drôle comme vous ne peut qu'attirer les garçons qui ont du goût. Vous ne direz rien à ma mère? Promis. À mon père non plus. Je n'ai rien vu. Allez, courez cueillir des fleurs. Elle vous fait pas mal en descendant du train. C'est curieux comme les êtres se métamorphosent selon leur environnement. Les gardes n'ont cessé de nous humilier, ils nous tutoyaient, refusaient de nous serrer la main, ils ont brisé les jouets d'Alexis Nikolaïevitch, se vautraient sur les divans, hurlaient des obscénités, et aujourd'hui, que nous avons quitté Tsarskoye Selo, ils ont oublié leur révolution. Ils sont aimables, presque distingués. Celui-là serait même prêt à épouser Anastasia. Et elle, elle le trouve à son goût. Il fallait juste mettre ces hommes ailleurs, dans un autre contexte. Maintenant, ce petit monde se connaît, les gens s'apprécient, ils n'ont plus peur les uns des autres. Pour combien de temps? Oh. C'est encore vous qui me surveillez pendant la promenade. Dans la compagnie, on se bat pour passer cette demi-heure avec vous. À Tsarskoye, vous vous battiez pour nous humilier. C'était à celui qui trouvait le meilleur moyen de nous rappeler que les temps avaient changé. C'était idiot. Tenez, prenez cette fleur. Son parfum est très... je sais pas comment dire. Eh bien, ne dites rien. Je penserai à vous. Vous n'oublierez pas que quand j'ai cueilli cette fleur pour vous, la révolution avait cessé d'exister. Et que vous n'étiez plus une grande duchesse. Vous croyez que le monde sera meilleur sans mon père pour protéger la Russie? Je crois que la Russie sera plus forte quand cette guerre aura cessé. Vous êtes allé au front? Oui. Cela fait peur? On n'a pas le temps d'avoir peur. Ça mitraille de partout, on a la tête en feu, on ne pense à rien. Et après? On a faim, on a froid, on maudit les gradés, les bourgeois, les riches. Les Romanov? Quand on ne les connaît pas. Qu'est-ce que vous faisiez avant la guerre? Je cultivais la terre avec mon père et mon oncle. Oh, Alexis Nikolaïevitch, attention! Tu vas te faire mal! Pourquoi êtes-vous toujours si prévenante avec votre petit frère? Toujours sur son dos comme s'il était en sucre. C'est à cause de sa jambe? Oui. Il s'est cassé la jambe? Vous auriez gardé un secret? Si c'est vous qui me le confiez, oui. Mon frère est très malade. Il est hémophile. C'est grave? S'il tombe, ou bien s'il se cogne et qu'il se met à saigner, alors ça ne s'arrête plus. C'est possible, ça? Chez lui, oui. L'hématome grossit. Lui, il n'a pas peur. Jamais vu un gosse aussi turbulent. Il saute partout. Vous garderez ça pour vous, n'est-ce pas? Le train va reprendre son allure. Il faut remonter. Après 4 jours de train, le 5 août 1917, les prisonniers embarquent sur un bateau à vapeur qui remonte les rivières de la Toura et du Tobol. La famille impériale respire un peu du parfum de liberté que leur offre le pont du navire, contemplant à perte de vue l'immensité sibérienne. Au soir du 6 août, ils aperçoivent le village natal de Rasputin. En passant devant l'isba du Starets, l'impératrice ne peut cacher son émotion. Le 8 août, ils distinguent enfin Tobolsk. Quelques jours plus tard, les Romanov s'installent dans leur prison de Sibérie, une maison plutôt modeste comparée au palais de Tsarskoye. Pourtant, ils y mènent jusqu'à la fin de l'été une vie paisible. Les soldats les accompagnent à la messe et les habitants les acclament. On se croirait presque revenu au temps du tsarisme. Mais, loin de Tobolsk, les événements s'emballent. À Petrograd, Kornilov, un général conservateur, tente de prendre le pouvoir. L'échec de son putsch provoque des affrontements. Lénine profite de la confusion pour organiser un coup d'État et le 7 novembre 1917 s'empare du palais d'hiver de Petrograd. La révolution d'octobre renverse Kerensky. Quelques mois plus tard, le 3 mars 1918, Lénine, pressé d'en finir avec la guerre, signe avec l'Allemagne le traité de Brest-Litovsk. Cette paix de Brest-Litovsk, c'est une honte pour la Russie. Les bolcheviks ont bradé notre économie, nos territoires. Sans le Caucase, sans l'Ukraine, on peut dire adieu à notre pétrole, à notre blé. Il faut faire quelque chose. Nous sommes coupés du monde. Plus aucune communication, ni par les routes, ni par les eaux. Même le courrier nous arrive avec des semaines de retard. Nous aurions dû partir avant, oui, bien nous avant. Nous en avions discuté déjà. Avec le colonel Kobylinski, quitter Tobolsk aurait été un jeu d'enfant. Maintenant, il est trop tard. Vous pensez que nos gardes auraient fermé les yeux? Avec l'aide de quelques hommes énergiques, nous serions déjà loin. Je ne m'évaderai de Tobolsk qu'à deux conditions. Que notre famille ne soit pas séparée et qu'on ne quitte pas la Russie. C'est ce froid qu'il faut quitter. Moins 40 cette nuit. Les petites ont des engelures, même avec les gants que je leur ai tricotés. Leur chambre est une véritable glacière. Il y fait moins 7. Allons-nous tenir dans ces conditions? J'ai de mauvaises nouvelles, Majesté. Nous allons devoir nous séparer de 10 domestiques. Vous avez refait les comptes? 4200 roubles par mois pour faire marcher toute la maison. Nous séparer de ces domestiques, de leur famille, des gens si dévoués que nous allons réduire à la misère? Le colonel m'a annoncé également que le beurre et le café seraient exclus de notre table. Pour quelle raison? Objet de luxe. Tout cela, c'est ma faute. J'ai cru qu'en renonçant au trône, je permettrais à nos adversaires de gagner cette guerre, de se débarrasser des agitateurs. Il n'y a donc personne pour nous sauver. Les idées bolcheviques sont arrivées à Tobolsk. Les gardes sont devenus tellement cruels. Vous êtes de cet avis, Pierre? Les soldats qui nous gardent ont créé un comité. Ils veulent écarter le colonel Kobylinski. Ils ont décidé aujourd'hui de détruire la montagne de glace. La montagne des enfants? Mais c'est leur seule distraction. Ils ont commencé à la défoncer à coups de pioche. Alexis Nikolaïevitch était si heureux de glisser dessus. Nous sommes devenus les ennemis du peuple. Tu verras qu'ils finiront par t'insulter, t'arracher tes épaulettes et nous empêcher de sortir de cette maison. Elle a raison. Nous aurions dû nous enfuir. Maintenant, il est trop tard. Moi aussi, j'ai cru que nos gardes avaient fini par être de notre côté. Je me suis trompé. Le jeune soldat qui s'était entiché d'Anastasia Nikolaïevna ne lui adresse plus la parole. Il ne la regarde même plus. Cet après-midi, il a détruit la montagne de glace à coups de pioche, comme les autres, avec la même cruauté. Avec les bolcheviks au pouvoir, je ne donne pas cher de notre peau. Le 19 mars 1918, Lénine s'installe au Kremlin. Craignant que les armées contre-révolutionnaires ne libèrent la famille Romanov, il décide d'organiser un grand procès à Moscou, où le dernier tsar de toutes les Russies serait jugé devant le peuple, avec Trotsky comme accusateur et la radio comme témoin historique. Un rêve inspiré de la Révolution française. Lénine charge alors le commissaire Yakovlev de lui ramener au plus vite la famille impériale. Le 22 avril 1918, le commissaire arrive à Tobolsk avec les pleins pouvoirs. Mais l'état de santé du tsarévitch Alexis lui interdisant tout voyage, Yakovlev annonce qu'il emmènera Nicolas II seul, sans lui donner la destination ni les raisons de son voyage. Ta maman est obligée de partir. Tu comprends? Je ne peux pas laisser ton père tout seul. Vous allez me manquer. Tes sœurs seront là pour veiller sur toi. Et dès que tu iras mieux, vous pourrez nous rejoindre. Et il y a Pierre. N'est-ce pas, Pierre? Je ne quitterai pas une seconde. Si une complication survenait... Il va mieux, beaucoup mieux. Pour la première fois de ma vie, je ne sais pas quoi faire. Accompagner l'empereur est la meilleure solution. J'ai décidé de partir avec vous. Toi, Maria? Vous aurez besoin de moi. À trois, nous serons plus forts. Et puis, il faut qu'une de vos filles soit à vos côtés. Olga est la plus grande. Elle doit veiller sur Alexis. Anastasia n'est pas assez forte. Voyager, aider, c'est pas pour elle. Tatiana préfère rester. Alors c'est moi qui viens. J'ai préparé mes bagages. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Entendu. C'est une sage décision. Maman, je ne veux pas que tu partes. Ne m'abandonne pas. Oh, mon cher Alexis Nikolaïevitch. Maman, ils nous attendent. Pierre. Prenez. Prenez soin de lui. Et rejoignez-nous vite. J'ai le sentiment que je ne reverrai jamais mes enfants. L'impératrice a tellement pleuré qu'elle a le visage tuméfié. Quelle gravité chez elle. Quelle sérénité chez l'empereur. Il est prêt à tous les sacrifices, y compris celui de sa vie. Tout le monde pleure, maintenant. Si l'un de nous cède, il entraînera tous les autres. Je préfère qu'Alexis Nikolaïevitch ne voie pas ce départ. Ses parents dans de vulgaires charrettes de paysans, le dernier tsar de Russie, un homme qui avait un pouvoir absolu sur 150 millions d'êtres assis sur la paille. La tsarine couchée sur un vieux matelas, partant pour Moscou ou ailleurs. Je ne pensais pas voir ça un jour. Mais le train du couple impérial n'atteindra jamais Moscou. Très hostile aux Romanov, le soviet de l'Oural détourne le convoi vers sa capitale, Ekaterinbourg. Comme les centaines de soviets qui peuplent le territoire, le soviet de l'Oural est une structure autonome. Il n'entend donc pas se laisser dicter ses décisions par Petrograd. À Ekaterinbourg, Nicolas II, Alexandra et Maria sont conduits dans l'ancienne maison du gouverneur qui leur tient lieu de prison. Les fenêtres sont badigeonnées de blanc. Deux palissades sont édifiées tout autour et leurs gardiens sont de véritables tortionnaires. Le 23 mai 1918, arrivés en gare d'Ekaterinbourg, les autres membres de la famille et Pierre Gilliard sont séparés. S'il vous plaît, pourquoi on attend ici? Ça fait une demi-heure que nous sommes arrêtés sur la voie, la gare est à 500 mètres, il y a un problème? Je suis avec la suite impériale et on m'a mis dans ce wagon de quatrième classe tout seul. Mon Dieu, Alexis Nikolaïevitch dans les bras d'un soldat. Où l'emmène-t-il? Les grandes duchesses. Olga! Olga! Olga Nikolaïevna! Anastasia! Laissez-moi sortir. Non. Laissez-moi sortir! Bon, les enfants, ils les emmènent. Ils partent sans moi. C'est pas possible, ça. Ils sont sous ma responsabilité. L'impératrice me les a confiés. Je t'ai dit non. Le tsarévitch est malade. Je peux pas le laisser seul. Il peut lui arriver n'importe quoi. S'il tombe, s'il se cogne, il peut en mourir. Allez, par pitié, par pitié. Mais je vous reconnais, vous. Vous étiez avec nous à Tsarskoye. Et pendant le voyage vers Tobolsk, vous étiez très proche d'Anastasia Nikolaïevna. Elle vous cueillait des fleurs et... Tu te trompes, c'était pas moi. C'était sûrement un travailliste ou un menchevik, un lâche. Ici ? Si, vous passiez votre temps à discuter durant la promenade. Et puis sur le bateau, je m'en souviens. Anastasia, elle vous plaisait ? Je vois pas de quoi tu parles. Ces vampires de Romanov ont ce qu'ils méritent, comme tous les bourgeois qui sucent le sang du peuple. Tatiana ! Tatiana Nikolaïevna ! Assieds-toi. Tatiana ! Elle traîne sa valise sous la pluie, les pieds dans la boue. Son chien dans les bras, entouré de gardes. Où les emmène-t-il ? Bientôt, on n'aura plus besoin de toi. Tu seras libre. Libre ? Mais eux ? Je me revois le premier jour. Ma première leçon à Olga et Tatiana. Et nos escapades secrètes en voiture avec Alexis Nikolaïevitch à visiter les environs de Tsarskoye. Je ne peux pas abandonner les enfants comme ça, sur un quai de gare. Le tsar n'a jamais cru au mot « révolution ». Il ne l'a jamais compris. (1917-1918) La fin des Romanov de Renaud Meyer avec Pierre Gilliard, Yannick Choira, Nicolas II, Jérôme Kircher, Alexandra, Chloé Réjon, Maria, Leslie Menu, Anastasia, Anna Servinka de la Comédie Française, Alexis, Pauline Ziadé, Kerinsky, Vincent Nemeth, Le Garde, Nicolas Gonzalez et les voix de Nikolai Yarochenko, Tibor Radvani et Mathieu Rochevarger. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Bernard Laniel et Maïwenn Legehan, assistante à la réalisation Léa Racine, réalisation Baptiste Guiton. Dans quelques minutes, nous reprenons la discussion avec mon invité Alexandre Soumf à propos de la révolution russe et de la fin des Romanov. Our new day. But I'm on the floor, come rescue me. Tears in blood, but oh how they flow. Reasons pleading, tell me no more, get into me. I should have gave the leash to your soul, but now I've lost control. And then you wander aimlessly. For you that freedom's your goal, but I'm telling you, freedom is the end of me. Freedom is the end of me de Mélanie de Biasio sur France Inter dans Autant nos portes l'histoire. Juliette Gou réalise l'émission, assistée d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Dimitri Gronoff. Alexandre Zumpf, l'histoire que je viens de raconter, donc s'arrête le 23 mai 1918 en gare d'Ekaterinbourg. Pierre Gilliard est séparé des enfants Romanov auxquels on l'a vu, il était très attaché. Il ne les reverra plus vivants. Lui, il va être libéré. Il pourra rejoindre après maintes péripéties. Il pourra rejoindre la Suisse, où il mourra en 1962, bien longtemps après. Alors que va-t-il arriver au tsar et à sa famille ? Eh bien, leurs conditions d'internement vont se durcir au fur et à mesure que se durcit autour d'Ekaterinbourg la guerre civile. Et c'est justement un événement de cette guerre civile qui précipite la fin de cette partie de la famille Romanov, puisque des soldats tchèques et slovaques, insurgés, qui font régner la loi dans cette région, contre tous les autres pouvoirs, eh bien s'approche dangereusement de Ekaterinbourg et menace directement la ville. Et du coup, le Soviet prend la décision, non pas d'assassiner le tsar, comme on le dit, mais de les exécuter, car c'est une exécution malgré tout politique, pour ne pas que le tsar, la tsarine, les grandes duchesses et l'héritier servent de monnaie d'échange pour quelque camp que ce soit. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que l'ayant appris, Lénine et Trotsky ne condamnent pas cet acte qui ne rentre pourtant pas dans les habitudes du pouvoir bolchevique d'exécuter comme ça des adversaires. On n'est pas encore sous Staline. Hein. Mais ils l'endossent, ils en prennent la responsabilité et ils envoient un ordre antidaté qui finalement légitime et légalise cette exécution. Et c'est ce qui fait dire aujourd'hui que Lénine et Trotsky l'ont ordonné, mais ils l'ont endossé plutôt que véritablement ordonné. Et c'est un des actes de cette guerre civile qui est particulièrement violente et qui va mener la Russie très douloureusement sur la voie de son nouveau régime. Donc ils sont exécutés, comme vous dites, dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918 à la villa Ipatiev au sous-sol. Pour vous, il ne fait aucun doute que toute la famille a bien été exécutée ce soir-là. Cette alors, nuit-là, c'est vrai que, il n'y a pas eu de survivants. C'est vrai que mon très cher et vénéré collègue Marc Ferraud a écrit un ouvrage dans lequel il estime que la famille a pu s'enfuir suite à un accord avec les Allemands, que Anastasia était bien vivante, etc. Et c'est un conte auquel on aimerait beaucoup croire. Moi, il me semble tout de même étrange que si ces personnages étaient restés vivants, jamais, à aucun moment, personne ne les ait retrouvés ou personne ne les ait instrumentalisés. Donc, pour moi, ça plaiderait véritablement pour leur disparition, d'autant qu'on a retrouvé des restes, qu'on a fait des autopsies, que l'ADN a parlé, et que ces restes, de toute façon, ont été réinhumés en grande pompe à la forteresse Pierre-et-Paul en 1997, à Saint-Pétersbourg. Pour en revenir, Alexandre Zoom, sur l'histoire donc de Nicolas II et de cette famille, ce qui était très étonnant, me semble-t-il, c'est la personnalité de ces souverains, donc Alexandra, qui a l'air plus royaliste que le roi, si on peut dire, Nicolas II, une personnalité ambiguë, d'un côté un peu hésitant, fataliste, et puis de l'autre, comme vous le dites dans votre livre, d'une obstination aveugle, complètement hostile à une monarchie constitutionnelle, prêt à abdiquer, même plutôt que d'accepter l'idée d'une monarchie constitutionnelle, c'est étonnant. Oui, il faut savoir que Nicolas II n'était pas véritablement préparé à régner quand son père, Alexandre III, est mort assez brutalement, et qu'il a toujours proclamé, en tout cas à ses proches, qu'il régnait par devoir et non par goût. Et du coup, il s'est attaché en quelque sorte à la lettre de l'autocratie, non pas à son esprit, mais à la lettre. Et même s'il a cherché à rénover sa pratique monarchique en essayant vainement de tisser un lien par-dessus les élites et la bureaucratie vers le peuple, c'est-à-dire les paysans, il n'a jamais su véritablement incarner sa fonction. Alexandra, qui s'appelait en fait Alix de Hesse, donc qui est allemande mais non prussienne, il faut le noter, eh bien elle s'est convertie à l'orthodoxie pour les besoins de son mariage. Ouais. Et donc, comme souvent les néo-convertis étaient très virulente dans sa foi. Et par ailleurs, ce n'est pas n'importe qui, elle a été élevée à la cour de Victoria, c'était l'une des favorites de sa grand-mère, et elle a été élevée dans ce sentiment que les monarques sont de droit divin et que c'est leur destinée sur Terre que d'exercer leur volonté pour le bien du peuple, bien entendu. Oui, mais enfin, ceci près que le Royaume-Uni, c'est quand même une monarchie constitutionnelle. Donc, ils auraient pu en prendre exemple. C'est vrai, mais les conditions ne semblaient pas réunies pour tout un tas de raisons aux monarques qui ne faisaient pas confiance, non pas tant au peuple que à cette opposition libérale qui réclamait ses réformes et qui réclamait finalement la fin d'un système que Nicolas II avait du mal à imaginer. Comment se fait-il que Nicolas II abdique si facilement ? Il abdique pas facilement, mais simplement les événements se sont énormément accélérés après la mutinerie des soldats de la garnison de Petrograd dans la nuit du 26 février et l'élite politique libérale, comme l'élite politique révolutionnaire, ont peur. On parle toujours d'un double pouvoir, mais il y a ce troisième pouvoir, celui du peuple, celui d'un peuple radical qui explose. C'est la métaphore de Trotsky qui a comparé l'autocratie à une cocotte minute et à laquelle on n'a jamais fait actionner la soupape et qui donc a fait exploser le couvercle. Et donc ce qui encore était possible le 28 février, une monarchie constitutionnelle, ne l'est plus déjà le 1er mars. Mmh. Et face à cela, il faut dire que le tsar a été trahi. Il a été trahi d'abord par cette élite politique. Il a été trahi ensuite par la quasi-totalité des généraux de l'état-major qui se sont ralliés à une solution d'abolition de la monarchie. Et enfin, et c'est pas la moindre des choses, par tous les autres Romanov qui lui en voulaient énormément à cause de l'affaire Rasputin. Oui, Rasputin qui avait été donc assassiné en décembre 1916. Alors, il y a aussi un aspect étonnant chez cet homme, vous parliez de l'armée justement, il a pris la tête de l'armée en 1915 dans la guerre, donc cette guerre extrêmement meurtrière, il a déclaré en prenant la tête du commandement « peut-être faut-il une victime expiatoire pour la Russie, je serai cette victime ». C'était quand même étonnant, pas très martial pour un empereur qui se met à la tête d'une armée. Oui, ça correspondait en même temps à sa foi qui était réelle, profonde, pas aussi superstitieuse que celle de l'impératrice. Et c'est ce qu'il a dit, bien entendu, ça n'a pas été son discours de politique générale, mais c'est ce qu'il a confié à certains témoins qui l'ont rapporté par la suite. Et ça montre bien cette dimension qu'on voit très bien dans le beau documentaire, sa dimension profondément humaine d'un homme qui est dépassé sans cesse par les événements et qui essaye de naviguer à vue et malgré les conseils plus ou moins avisés de son entourage, prend manifestement de mauvaises décisions. Alors dans cette histoire, on a beaucoup entendu l'évocation de la Révolution française à plusieurs moments. Pierre Gilliard se demande si le couple impérial russe ne va pas connaître le même sort que Louis XVI et Marie-Antoinette. Marie-Antoinette qui est autrichienne, c'est peut-être un peu facile les rapprochements. On l'a appelée pendant la guerre, l'impératrice, on l'a appelée la Marie-Antoinette russe parce qu'on l'accusait d'être une espionne allemande. Oui, c'est ça. Et on sait aussi que Lénine et les bolcheviks étaient nourris de l'histoire de la Révolution française. Tous les révolutionnaires russes était profondément nourri et avait à l'esprit ce modèle, avait à l'esprit les grandes révolutions françaises, parce qu'il y a celle de 1789 jusqu'à la Terreur, mais il y a également celle de 1830, de 1848, la Commune de Paris. Tout ceci, c'était le béaba de l'apprentissage, non seulement pour les marxistes comme Lénine et puis les mencheviks, mais aussi pour les socialistes révolutionnaires. C'était un exemple, et toujours cette interrogation qui était très forte en Russie depuis l'échec de 1905, de la première révolution. Comment est-ce qu'une révolution réussie se pérennise? Est-ce que le destin de Nicolas II n'était pas scellé malgré tout? S'il y avait eu ce procès que voulait Lénine, est-ce que le verdict n'aurait pas été celui qu'a connu Louis XVI, c'est-à-dire la mort, même si effectivement c'est pas lui qui a donné l'ordre? Avec Catherine, bon, on peut pas savoir, peut-être. C'est difficile à savoir. Je ne sais pas si Lénine aurait pris le risque, tout de même, de ce procès, qui aurait pu réveiller aussi un sentiment pro-monarchique ou en tout cas anti-bolchevique dans le pays et créer des troubles. Il faut dire que, à l'annonce très incertaine au départ de l'exécution, donc de la famille impériale, il y a eu peu d'émotions dans le pays, un pays qui était déjà ravagé par la guerre civile, qui était complètement fracturé territorialement et fracturé politiquement, et que, si vous voulez, l'émotion actuelle autour de cette disparition tragique et particulièrement brutale, voire bestiale pour certains, est inversement proportionnelle à l'émotion ressentie à l'époque, qui était quasiment nulle. Oui, y compris actuel, parmi les Romanov. C'est-à-dire aujourd'hui, en 2017, il y a un revival. On a fêté en 2013 en Russie de manière absolument fastueuse les 400 ans de la dynastie Romanov, comme si ils avaient continué à régner, ce qui est assez particulier. Personne ne souhaite le retour véritablement des Romanov aujourd'hui en Russie. Avec la bénédiction de Poutine, hein, toutes avec ces célébrations. De Poutine, personne ne souhaite le retour de la monarchie, mais il y a une nostalgie de cette sorte d'âge d'or d'une Russie antérévolutionnaire avant toutes les tragédies du XXe siècle. Avec la bénédiction aussi de l'Église orthodoxe. De l'Église, bien entendu, qui les a canonisés, qui refuse de canoniser Rasputin pour tout un tas de bonnes raisons, mais qui a assis un retour mémoriel de l'ancien régime, qui est ambigu aussi en Russie, puisque on célèbre en même temps le régime stalinien, vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, qu'on appelle la Grande Guerre patriotique. Donc c'est cet alliage qui ne tient que par un seul mot, qui est patriotisme et grandeur de la Russie. Merci beaucoup Alexandre Zumpf. Votre livre 1917, La Russie et les Russes en révolution, est publié chez Perrin. Vous êtes également l'auteur d'une biographie de Rasputin, toujours chez Perrin. À lire également le précieux livre de souvenirs de Pierre Gilliard, 13 années à la cour de Russie, dans la petite bibliothèque Payot. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr. J'attends vos commentaires bien sûr sur le site ou sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, retour en France avec un personnage haut en couleur qui n'était ni tsar ni empereur, si ce n'est le roi des voleurs. C'est Marius Jacob, cambrioleur et anarchiste, qui au début du XXe siècle allait entrer dans la légende et inspirer à Maurice Leblanc son personnage de gentleman cambrioleur. Marius Jacob, l'Arsène Lupin au drapeau noir, un texte original de l'écrivain Patrick Péchereau. Ce sera donc dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais juste après le flash, vous avez rendez-vous bien sûr avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Excellente soirée à l'écoute de France Inter.